peu. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Roger Caron. Salut Roger. Ça va bien, ça va bien. Roger, c'était le tournoi un peu comme ça se fait un peu partout, championnat du club. Il y a Chipougamau qui l'a fait en fin de semaine. Il y a également Saint-Prime. Et ça a-tu bien été votre championnat du club? Ça a été très bien. Lors d'une participation, on était, je sais pas, peut-être 45, 48, quelque chose comme ça. Alors, on avait une belle participation. Et puis, on avait différentes personnes dans différentes places. On a eu des belles performances. Alors, on était très, très, très contents de notre fin de semaine. Et surtout, qu'il a fait beau toute la fin de semaine. Oui. Qui a gagné? Est-ce que tu as tes hommes et moi? Oui, j'ai tout ça avec moi. Je te dirais, regarde, dans la classe féminine, notre championne féminine est Nathalie Cotness avec un cumulatif de 149. C'est un excellent pointage. Je me demande si ça n'a pas égalé son meilleur pointage même. Alors, c'est vraiment très bien. On a Hélène Laflamme avec un 169 dans la classe A. On a Claudette Jones avec un 170 dans la classe 2B. Et Mme Francine Tremblay dans la classe ouverte avec un 179. OK. Alors, c'était très bien. Dans les hommes, notre champion masculin, c'est un gars de la classe A. Actuellement, c'est un 2A, là, assez souvent. Mais cette année, c'est Jean Gastonguay, la classe A, qui a remporté le champion masculin. Dave Dumas, lui, il a remporté dans le 2A avec un cumulatif de 158, pendant que Jean Gastonguay a eu 157. Okay. Après ça, dans le 2B, on a Alain Simard, qui a fait une belle performance avec un 162. Et dans la classe ouverte, nous avons Yannick Bayargent avec un 179. Yannick a fait un beau retour le dimanche avec un magnifique 83 dans la planche ouverte. OK. Donc, c'était. Dave Dumas, il gagne année après année. Ça va bien pour Dave Dumas, hein? Oui. Fait que je te dirais que je pense que Dave, c'est une des rares fois qu'il ne met pas la main sur le championnat. Finalement, il l'a perdu par un coup. Mais vraiment, Jean Gastonguay a très bien performé. Alors, félicitations pour Jean. Félicitations à Nathalie. Et à tous les autres gagnants et gagnantes, parce que ça a vraiment été une des belles performances. OK. Donc. OK. Qu'est-ce qui se passe maintenant cette semaine? Cette semaine, je te dirais qu'on a une grosse semaine. Ah ouais? À partir de jeudi, on a un gros tournoi de résolu. Il y a au-delà de 240, au-delà de 230 joueurs. Il y a un shotgun le matin et un autre dans l'après-midi. Alors même, le terrain est fermé pour les membres et pour la population parce qu'il est complètement réservé pour le tournoi résolu. Et nous avons aussi, vendredi, le tournoi de l'APCHQ, qui, lui, commence à 11h le matin. Alors, les membres peuvent jouer jusqu'à 11h, mais après ça, le terrain est fermé parce que, encore là, il y a 140 quelques joueurs, deux sommes chaque trou. Alors, c'est vraiment un très gros tournoi. OK. Après ça, nous avons samedi de la place pour les gens qui veulent jouer, mettons, des passes journalières. Mais on a encore un petit tournoi, le tournoi du bar Zodiac. C'est un beau petit tournoi chaque année qui revient. Et nous avons dimanche une autre compétition d'envergure. C'est l'Interclub qui appelle. Ah alors, oui, OK. Les 10 meilleurs de chaque club qui sont représentés. Alors, Chibougamau, Delbeau, Saint-Gédéon, nous avons aussi Arvida, Ville-de-la-Ville, Chicoutimi et naturellement Saint-Prime. Alors, ça se sépare en deux classes. Alors, ça va être une belle compétition. 10 joueurs, c'est un match play. Alors, c'est quelque chose de très, très bien. Alors, on devrait avoir des belles performances dimanche. OK. Donc, c'est intéressant pas mal. Dans les promotions maintenant. Oui, dans les promotions, ben, naturellement, nous avons toujours notre promotion des travailleurs qui fonctionne très, très bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui profitent de cette promotion à partir de 15 heures. Alors, les gens peuvent avoir joué au golf pour 15 $ illimité. Après ça, tu peux avoir, mettons, deux joueurs avec une voiturette motorisée à 40 $, puis tu peux jouer à partir de 15 heures jusqu'à la fermeture du terrain. OK. Alors, c'est vraiment des belles promotions. Dis-moi, Roger, là, il fait un petit peu moins chaud. Ça doit vous avantager pour le membership. Ça veut pas dire qu'il fait, ouais. Il fait très beau, là. Il n'y a pas de canicule. Ouais. Non, moi, par contre, je dirais pour le golf, là, ici, on a quand même beaucoup de passes journalières à cause de ça. Nos membres sont beaucoup là, mais ce qui est intéressant, c'est que comme des fois en juillet, c'est un petit peu chaud, il y a même des journées qui étaient tellement chaud que les gens ne venaient pas. Ah non, ouais. Mais là, présentement, là, c'est du vrai golf là, de saison. Tu sais, des belles températures, c'est pas chiffotant, alors c'est vraiment plaisant. Alors, on invite les gens de venir nous visiter. Et puis, on va bien les recevoir. C'est sûr que tu n'étais pas là l'an dernier, mais j'imagine, mais tu dois en entendre parler un peu. Ça, l'année au niveau financier va être encore meilleure, hein, j'imagine. Là. Ben, remarque, regarde, là, on s'attend, à venir à date, on fait des bonnes choses. Et puis, on essaie de faire bien attention à nos dépenses, à beaucoup d'affaires qu'on regarde. Et puis, on espère une belle année. Présentement, sans dévoiler rien, on est satisfait. Où est-ce qu'on est rendu à cette période-ci de l'année? OK. On se reparle la semaine prochaine, Roger? Oui. Voilà, c'était la chronique. Puis, oui. Je te reviendrai avec d'autres détails des résultats de la fin de semaine. Effectivement, puis on va en parler dans le bulletin de sport local. Donc, Roger Caron, qui est le directeur général du club de golf de Saint-Prime.